Bonjour, mademoiselle Lemereux. Et on est dans la réception. Allô? Allô? Sydney Thompson from the Mail. Anything to tell your fans?